Simplification simple de l'orthographe par Émile Faguet, 1905. Je commence par dire, comme je l'ai dit ailleurs, que j'attache très peu d'importance à cette question. Quelques simplifications que l'on apporte dans l'orthographe sera toujours très longue à apprendre. J'estime qu'il faut 5 ou 6 ans pour apprendre à un enfant à mettre l'orthographe. J'estime que le projet de simplification le plus hardi et le plus logique, qui du reste est encore à trouver, sauverait à l'écolier 3 semaines ou 1 mois d'études. C'est déjà quelque chose. Parfaitement. Et c'est pour cela que j'ai consenti à m'occuper de cette question. Mais encore, on comprend assez pourquoi je ne la tiens pas pour considérable. Tant il y a que j'ai une opinion personnelle sur cette affaire, qu'on me la demande, et que la voici. 1. Depuis Ronsard et Joachim du Bellay, les meilleurs esprits trouvent l'orthographe française trop surchargée, sentent le besoin de la simplifier. Voici pourquoi. C'est qu'elle était très simple, au XVe siècle, et que les grammairiens du XVIe siècle, par affectation scientifique, par pédantisme, l'avaient grièvement compliquée. Quand je dis que l'orthographe était simple au XVe siècle et au commencement du XVIe, la vérité est qu'elle n'existait pas. Seulement, les premiers imprimeurs furent bien à peu près forcés d'avoir un usage commun, ou à peu près. De cet usage commun est née l'orthographe, la première orthographe, ou ce que l'on peut appeler ainsi l'orthographe du commencement du XVIe siècle, l'orthographe de Marot et de Comines. Cette orthographe n'a aucun caractère scientifique, mais elle est très simple, très dépouillée. Elle n'accumule pas les lettres parasites, inutiles ou peu utiles. Enfin, elle est très bonne femme. Là-dessus arrivèrent les savants, les grammairiens, les pédants, et particulièrement Robert Estienne, avec son dictionnaire de 1540. Robert Estienne était féru de latinité et d'étymologie. Il voulut calquer la langue française sur la latine. Pour cause ou sous prétexte d'étymologie, il introduisit des lettres dans les mots. Les lexiques de son temps écrivaient « fait » F-A-I-T, « lait » L-A-I-T, « point » P-O-I-N-T, « atif » H, A accent circonflexe, TIF, etc. Il écrivit fect, F-A-I-C-T, à cause de factum, punct, P-O-I-N-C-T, à cause de punctum, lect, L-A-I-C-T, à cause de lac, lactis, astif, H-A-S-T-I-F, je veux être roué si je sais pourquoi. Il fut suivi, il fut dépassé, et au milieu du XVIe siècle, ce fut une orgie de lettres parasites et de mots tirés du grec scrupuleusement calqués sur le mot grec. TH, PH, RH, CH, à foison. C'est précisément tout de suite, Dieu merci, et je reconnais là le bon sens et l'esprit de clarté des Français, c'est précisément tout de suite mais lentement que commença, pour ne pas s'arrêter, le travail de simplification. Il commença par Ronsard et du Bellay. Ronsard était simplificateur très radical. Il disait, dans son abrégé de l'art poétique, à M. Delbène, abbé de Haute-Combe, « Tu diras, selon la contrainte de ton vers, or, or, ore, or, ores, adonc, adonque, adonque, es, avec, avec, avec, que, avec, que, et mille autres, que, sans crainte, tu trancheras, ou allongera ainsi qu'il te plaira. Tu éviteras toute orthographe superflue, et ne mettras aucune lettre en les mots si tu ne les profères. Au moins, tu en useras le plus sobrement que tu pourras en attendant meilleure réformation. Tu écriras écrire, et non escrire. Cieux, C-I-E-U-X, et non cieux, C-I-E-U-L-X. Tu pardonneras encore à nos Z, multipliés fantastiquement au milieu du XVIe siècle, jusque à temps qu'elles soient remises au lieu où elles doivent servir comme en rose, R-O-Z-E, chose, Z-E, épouse, Z-E, etc. Autant en est-il de notre G, qui souvent de fois occupe misérablement l'I, consonne, c'est-à-dire le J, comme en langage pour langage, L-A-N-G-A-J-E. On voit que quand, à l'ébahissement de la foule, la commission de simplification propose d'écrire « gageure » G-A-J-U-R-E. Elle répète simplement Ronsard et a une audace qui date de 320 ans. Veuillez croire du reste qu'elle le sait. Ailleurs, dans son avertissement au lecteur de l'abrégé susdit, Ronsard fait la guerre à l'Y, invite chaudement à racler l'Y, et fait cette observation de tout bon sens. Lorsque tels mots grecs seront assez longtemps restés en France, il convient de les recevoir en notre ménie, domaine, et de les marquer de l'I français, pour montrer qu'ils sont nôtres, et non plus inconnus et étrangers. Le mouvement continua. L'illustre d'Ablancourt, si estimé, si bon écrivain, que Boileau disait ironiquement, donnant ainsi à Blancourt et Patru comme tenue unanimement pour des écrivains modèles, d'Ablancourt supprimait énergiquement les lettres doubles et mettait I pour Y à peu près partout. Corneille d'une part et Bossuet de l'autre, sans accord entre eux, sans grande hardiesse aussi, furent simplificateurs, chacun de leur côté, et chacun pour un certain nombre de cas dans le détail desquels il n'est pas utile d'entrer. Richelet, en 1680, publia un dictionnaire selon d'Ablancourt, comme il le reconnaît dans sa préface, et, à l'imitation de M. d'Ablancourt, il fit ou voulut faire des réformes simplificatrices, qui ne sont pas encore adoptées et qui sont, souvent, celles que réclame aujourd'hui la commission de simplification. Il écrivait « affaire » un « f », « attaquer » un « t », « atteindre » un « t », « difficile » un « f », « abaisse » un « b », « abi » a b a i tréma e, « ab » un seul « b », « accablé » un « c », « accablement » un « c », etc. Il changeait « y » en « i » presque toujours. N'oubliez pas ces deux points. La suppression des lettres doubles et « racler l'y » c'est le fond de la bonne réforme depuis trois siècles. À mon avis, ce l'est encore. Notez que Vaugelas était, en gros et le plus souvent, de l'avis d'Ablancourt, et par conséquent était d'avance de l'avis de Richelet, ne cessant d'assurer que les raisons d'étymologie sont de peu de force, qu'il révérait la vénérable antiquité et les sentiments des doctes, mais que d'autre part il se rendait à cette raison invincible qui veut que chaque langue soit maîtresse chez soi. Enfin, l'Académie vint, je veux dire le dictionnaire de l'Académie, en 1694, première édition du dictionnaire Loi. 2. L'Académie, comme toute compagnie possible, était partagée. Elle était de deux façons. D'un côté, elle était, comme elle le fut toujours depuis environ 1660, composée d'écrivains hommes du monde et d'écrivains savants. Et cela est une première raison de divergence. D'autre part, elle était partagée intellectuellement, comme elle l'a toujours été, entre la pensée de n'être que le greffier de l'usage, qui est sa pensée maîtresse, et un certain désir sourd d'en être un peu le guide, ce qui est, à mon avis, parfaitement légitime. De tout cela, il s'ensuivit quelques discussions et assez vives au cours de l'élaboration du dictionnaire. Chapelain représentait les savants, et à cette époque, savant, en fait d'orthographe, voulait dire étymologiste. Il était donc pour l'orthographe rébarbative. Il était pour caractère, ch, pour colère, ch. Et tout homme qui veut que l'on continue d'écrire style, y, et chloroforme, ch, doit lui donner raison. Conrart, simple parisien, qui ne savait que le français, comme dit Sainte-Beuve, était pour colère, c, et caractère, c. L'Académie fut un peu de l'avis de tout le monde, et un peu plus pourtant pour Conrart que pour Chapelain, et chercha à écrire comme écrivaient les honnêtes gens. Mais elle n'alla pas aussi loin dans la simplification que d'Ablancourt et son disciple, Richelet. En 1718, elle simplifie encore, mais assez peu. Elle écrit « éplorer » au lieu de « explorer ».« Sirop » « i » au lieu de « sirop » raclant l'y étymologique, car le mot latin est bien « sirupus ».« Noircissure » au lieu de « noircisseur », comme la commission de simplification nous propose d'écrire « gageure », « g-a-j-u-r-e ». Mais en somme, l'édition de 1718 apporta peu de changements à l'orthographe française. Le grand pas fut fait en 1740. Après des discussions très prolongées, elles durèrent quelques 6 mois, l'Académie, très partagée pour se tirer d'affaire, s'en remit purement et simplement à son secrétaire perpétuel, M. Joseph Toulier, abbé d'Olivet. Comme il disait lui-même, elle créa plénipotentiaire, ce dont il se serait passé très bien, à ce qu'il dit aussi. Il était réformiste, il était simplificateur. Il réforma, selon le compte approximatif d'Ambroise Firmin Didot, près de 5000 mots. C'est depuis ce temps que l'on écrit « accroître » i accent circonflexe, et non « accroistre », « avocat » et non « advocat », « albâtre » et non « albastre », « apôtre » et non « apostre », « âpre » et non « aspre ». Toujours T-O-U-J-O-U-R-S et non toujours T-O-U-S-J-O-U-R-S. Bâtard et non bastard. Bêtise et non bestise. Chrétien et non chrestien. Château et non chasteau. Ceci, celui-ci, etc. Et non ceci, C-E-C-Y, celui-ci, C-Y, toi, moi, et non toi, T-O-Y, moi, M-O-Y. Gai et non gai, G-A-Y. Joie et non joie, J-O-Y-E. Abîme et non abysme. École et non escole. Bienfaiteur et non bienfaiteur. Etc., etc., puisqu'il y en a près de 5000. Seulement, remarquez bien ceci, l'Académie, même à cette époque où elle était si franchement réformiste, ne devançait pas l'usage. Elle le suivait. Elle a tenu à le dire dans sa préface. Le public en cela était plus vite et plus loin qu'elle. Il est vrai que cette préface étant de l'abbé d'Olivet lui-même, on peut croire que par cette remarque, il veut surtout se couvrir et que le public, ce que du reste je crois savoir, n'était qu'une partie du public. Mais enfin, l'Académie était suffisamment autorisée par le bon usage. Le bon usage, c'est celui dont on est. En 1762, nouvelle modification, moins nombreuses à la vérité, dans le même sens. Lettre double supprimée. Y et TH éliminées. Chimie au lieu de chimie, CHY, avec tous ses dérivés. Absinthe au lieu de absinthe, ABSYNTHE. Détrôner au lieu de détrôner, DETHRONER. Scolie au lieu de scolie, SCHOLIE. Scrofule au lieu de scrofule, SCHROFULE. Pascal au lieu de pascal, PASCHAL. Patriarcal au lieu de patriarcal, CHAL. Agrafé au lieu de agrafé, 2F, ER. Éclore au lieu de éclore, 2R, E. Argile au lieu de argile, I, 2L, E, etc. Un détail amusant. Anicroche au lieu de anicroche, H-A. En 1762 seulement, qui ne croirait qu'anicroche, ne se trouve écrit anicroche que dans Rabelais, d'autant plus qu'on n'a jamais su ce que signifiaient les deux premières syllabes de ce mot. 3. En 1835, car l'édition de 1795 ne compte pas, comme le fait remarquer Ambroise Firmin Didot, que je suis pas à pas, puisque l'Académie n'existait point, et que le prétendu dictionnaire de l'Académie de 1795 ne fut qu'une entreprise de librairie. En 1835, donc, nouvelle simplification, mais surtout dans un autre sens. Adoption des AI pour OI, dans les mots prononcés « est », « français » et non « François », etc. Et d'autre part, ce qui est simplification aussi sans en avoir l'air, parce que c'est rentré dans la règle générale, pluriel des mots en ENT et ANT, écrit ENTS et ANTS, et non ENS, ANS, les événements ENTS et non les événements ENS, les enfants ANTS et non les enfants ANS. Entre nous, en ceci, l'Académie n'était guère greffier de l'usage et s'en faisait le guide. Je l'approuve du reste, et, quoiqu'ayant conservé l'habitude d'écrire « mes chers enfants » à NS, j'estime qu'elle a eu raison d'effacer cette exception qui n'avait aucune raison pour elle. Plus on efface d'exceptions, plus on simplifie, et plus on simplifie, plus on est dans le bon sens. Nous arrivons à 1867, époque où il y eut un mouvement réformiste très vif. Ambroise Firmin Didot s'en fit le représentant, ce pourquoi il avait qualité et publia ses observations sur l'orthographe française, où j'ai largement puisé pour tout ce que je viens d'écrire, et qui sont œuvres de savants et d'hommes du plus grand bon sens. Désirant que l'on continuât dans le sens où l'on était depuis Ronsard, il proposa de « racler » Lâche partout où il représente l'esprit rude des Alexandrins, hérésie, rythmé, RHY, rhétorique, RHE, etc. Il proposa de remplacer TH et PH par T et par F dans les mots les plus usuels, pharmacie, athée, etc. Il proposa de racler l'Y et de le remplacer par l'I dans un certain nombre de mots. Où était sa limite? Il ne me semble pas qu'il l'ait indiqué. Enfin, de substituer l'S à l'X dans les pluriels des mots en OU qui ont gardé l'X, il y en a 7, et dans les mots en OI qui l'ont gardé aussi, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Tous les mots en OI au singulier s'écriraient au pluriel comme loi, L-O-I-S, et tous les mots en OU s'écriraient au pluriel comme fou, F-O-U-S. Sainte-Beuve, en 1868, entra en scène. Il ne peut guère être accusé, celui-ci, d'être un primaire. Or, il fut très nettement réformiste, comme du reste, dans son article sur Vaugelas, antérieur de 5 ans. Il avait bien annoncé qu'il l'était. Il rompit une forte lance. Il eut des mots durs, du moins étant donné ses habitudes de courtoisie. Il dit « La même autorité qui a importé les mots et vocables scientifiques peut intervenir pour les modifier. Ainsi, rien n'oblige d'user perpétuellement de cette orthographe si repoussante dans les mots « rythme » RH, phtisi, PHTH, cathare, 2R, HE, etc. Et il y a quelque temps que Ronsard et son école, tout érudits qu'ils étaient, avaient désiré affranchir et alléger l'écriture de cet insupportable entassement de lettres. Il entassa, lui, les autorités pour peser dans le sens de la simplification. Il rappela Maigret, Ramus, Corneille, Bossuet, Voltaire. Il rappela que Bossuet avait dit de ne pas s'attacher superstitieusement à toutes les lettres tirées des langues dont la nôtre a pris ces mots. Il rappela l'abbé de Saint-Pierre, du Marsay, du Clos, le père Ruffier, l'abbé Girard. Il eut tort de citer le mot de Voltaire qui est beaucoup trop décisif et immodéré. L'écriture est la peinture de la voix. Plus elle est ressemblante, meilleure elle est, et qui conduirait à l'orthographe individuelle, c'est-à-dire à une confusion telle qu'on ne se comprendrait jamais quand on s'écrirait les uns aux autres. Mais il fut très sage en ses conclusions qui sont celles-ci. Il importe, parmi tous les changements et les retouches que réclamerait la raison, de savoir se borner et choisir afin de ne pas introduire d'un seul coup trop de différences entre les textes déjà imprimés et ceux qu'on réimprimerait à nouveau. Pourquoi charrette, 2 R, et chariot, 1 R? Abattement et abatti, 1 T, courrier et coureur, 1 R, banderole et barcarolle, 2 L, ostrogoth, O-S, T-R-O-G-O-T et gothique, T-H. Il y aura effort à faire pour introduire dans l'édition qui se prépare les modifications réclamées par la raison et qui fassent de cette publication nouvelle une date et une étape de la langue. C'est à quoi, cependant, il faut viser. L'édition de 1878 fit quelques concessions à cet avis. Rythme au lieu de rythme, RH. Phtisi pour phtisi, PH, TH, ISIE, etc. Mais en petit nombre. L'Académie, depuis le XIXe siècle, est très timide, pour une raison bien simple. C'est que depuis le XIXe siècle, l'orthographe est devenue une superstition. On écrit d'après le dictionnaire de l'Académie avec scrupule. Dès lors, l'Académie ne peut pas s'appuyer sur l'usage pour réformer. L'usage lui permettant de réformer n'était tout simplement qu'un certain nombre de désobéissances à ses propres ordres. Donc, depuis qu'on ne lui désobéit plus, elle ne peut pas s'autoriser des rébellions pour s'amender. Elle est comme un souverain constitutionnel qui serait devenu absolu. Elle dit « Je ne puis pourtant pas être plus révolutionnaire contre moi-même qu'on ne l'est contre moi ». Je suis toute prête à autoriser les réformes que le suffrage universel aura faites, mais encore qu'il les fasse. Or, il n'en fait aucune. L'autorité acquise par l'Académie a pour effet singulier, mais naturel, de lui lier les mains. 4. Aujourd'hui, le mouvement réformiste vient des savants. Il y a eu chez ces messieurs, depuis Robert Estienne et Chapelain, revirement complet. Ils étaient étymologistes. C'est eux maintenant qui sont phonétistes, c'est-à-dire qui veulent qu'on écrive comme on prononce, tout ménagement, tempéraments et transitions gardés. Au fond, je suis assez près d'eux. Seulement, je trouve, premièrement, qu'ils se sont placés sur un mauvais terrain, comme on dit dans une mauvaise langue, mais je n'ai pas le temps de me corriger. Deuxièmement, qu'ils n'ont pas tenu assez compte, quoi qu'ils en croient et en disent, des ménagements et transitions. Premièrement, ils ne se sont pas établis en une bonne assiette. Préoccupés de leur phonétisme, ils y ont visé de tout leur cœur et en ont fait leur principe, comme il était leur fin. Or, il n'y a rien de trompeur comme le phonétisme. Écrire comme on prononce, mais chacun prononce à sa façon, selon sa province, selon son éducation, même selon son individualité. Pain, en bon phonétisme, devrait s'écrire pain, P-I-N à Paris, et peigne, à Bordeaux. Retrouvez-vous là-dedans. J'ai l'air de plaisanter, point du tout. Les variations à cet égard sont si fortes que la commission de simplification, pour ce qui est des lettres doubles, voulant ne mettre la lettre double que là où on la prononce, propose d'écrire alléché, allégé, allégresse, cellule, cellulose, collection, ébullition, pellicule, imbécilité, sollicité, avec un seul L. Remarquez que moi, je suis pour la suppression des lettres doubles, mais je ne m'appuie pas sur le phonétisme. Et pour le moment, je veux simplement faire remarquer que le phonétisme est principe si peu sûr, et la façon de prononcer prise comme base de la façon d'écrire, chose si trompeuse, que voilà des hommes qui proposent d'écrire « cellule » pour cette raison qu'on prononce « cellule ». Qui diable prononce « cellule » ? Qui « alléché » ? Qui « allégé » ? Qui « allégresse » ? Qui « pellicule » ? Quelques-uns sans doute. Mais que d'autres prononcent autrement. C'est ce qui faisait dire au rapporteur de la commission de l'Académie, avec qui, pour une fois, je me trouve d'accord. Pour quelques-uns de ces mots, la double lettre se fait sentir si fort qu'on se demande de quelle région peuvent être les personnes qui ne la prononcent pas. Ce qui ramène à considérer combien il est difficile de fonder l'orthographe sur la phonétique, de telles différences de prononciation existant entre personnes du reste cultivées. La vérité est que l'orthographe phonétique, c'est l'orthographe individuelle. Chacun écrivant non comme on prononce, mais comme il prononce. Et dès lors, comme je le disais plus haut, ce qui sera très difficile, c'est de comprendre une lettre qu'on recevra d'une personne dont on ne connaîtra pas la prononciation. Aussi, me répondra-t-on, nous fixerons l'orthographe, nous la fixerons d'après la prononciation générale. Elle est facile à connaître, la prononciation générale. Nous venons de le voir. Ne pas se placer au point de vue du phonétisme, c'est la première condition, à mon avis, d'une bonne réforme simplificatrice. Je ne dis pas ne pas tenir compte du phonétisme, de la prononciation, là où vraiment elle est à peu près générale. Je dis ne pas se placer au point de vue du phonétisme comme règle. Deuxièmement, la commission de simplification n'a pas tenu compte des tempéraments et transitions nécessaires. Elle propose, avec une bravoure qui du reste n'est pas pour me déplaire en soi, d'écrire un homme, H-O-M-E, une femme, F-A-M-E. Eh bien, ce n'est pas irrationnel du tout. Pour homme, c'est même strictement étymologique. Pour femme, c'est vraiment étymologique encore, quoique d'une façon moins apparente. Seulement, c'est ébouriffant. Il ne faut pas ébouriffer. Il ne faut pas qu'entre l'enfant qui apprendra une orthographe nouvelle et le papa qui jettera les yeux sur ses devoirs, il y ait, sur les mots usuels, de telles différences que le père soit abasourdi. Il ne faut pas, comme l'a très bien dit Sainte-Beuve, si hardi, vous l'avez vu, mais qui est le bon sens même, introduire d'un seul coup trop de différences entre les textes déjà imprimés et ceux qu'on réimprimerait à nouveau. Il ne faut pas trop étonner. Encore Sainte-Beuve, il n'y a que lui. L'Académie, après avoir écrit « fantôme » PH, « frénésie » PH, « fantastique » PH, a osé écrire « fantôme » F, « frénésie » F, « fantastique » F. Osera-t-elle, appliquant la même réforme à d'autres mots, écrire « nymphe » N-I-M-F-E-S, Phtisie, F-T, I-S-I-E, diphtongue, D-I-F-T. Je vois d'ici l'étonnement sur tous les visages. Ce sont des questions de tact et de convenance, où il importe d'avoir raison avec sobriété, sapere ad sobrietatem. La commission de simplification a été sage, mais avec sobriété, j'en doute un peu. 5. Je ne ménagerai pas plus l'Académie française que la commission de simplification. Je dois reconnaître d'abord qu'elle a fait quelques concessions qui ne sont pas sans importance. Ensuite, qu'elle a pris une position excellente pour ce qui est de ses deux arguments principaux. Premièrement, nous ne sommes depuis 300 ans que les greffiers de l'usage. Que l'usage fasse des réformes, nous les enregistrerons avec l'esprit de prudence et aussi de discernement que nous croyons avoir. C'est ce qu'elle disait, vous vous le rappelez, même pour sa réforme si hardie de 1740. Deuxièmement, nous ne pouvons ni ne voulons bouleverser, faire un changement brusque et radical. C'est ce que disait Sainte-Beuve en 1868. Je vais un peu plus loin qu'elle et que lui, mais je suis dans le même esprit. Il n'y a entre l'Académie et moi que des différences de mesure et de degré. Il n'y a rien de plus juste que ceci qu'en fait de langue, il ne faut ni étonner ni bouleverser. Voilà donc deux raisons très raisonnables que l'Académie a données de sa résistance. Elle en a donné d'autres qui ne sont pas mauvaises non plus, mais qui sont contestables. Premièrement, elle a exprimé la crainte que de simplifier les mots, cela n'établit des confusions entre les mots s'écrivant de la même façon et ayant des sens différents. Corps, C-O-R, humain, et corps de chasse. Deuxièmement, elle s'est réclamée de l'étymologie. Troisièmement, elle s'est appuyée sur ce principe qu'il fallait respecter la physionomie des mots. J'ai classé ces trois raisons par ordre de mérite. À mon avis, la première a un peu de valeur, la seconde en a quelque peu, et la troisième n'en a aucune. Premièrement, simplifier les mots amène à ceci que des mots ayant différents sens s'écriront de la même façon, et cela fera confusion. Et confusion est contraire de simplification. Jamais on ne saura, quand on écrira « corps » C-O-R, s'il s'agit d'un instrument de musique ou du corps humain. Mais mon Dieu, on le saura par le contexte. Il y a bien quelques milliers de mots en français qui s'écrivent de la même façon, et même qui sont le même mot, et qui ont des sens extrêmement différents. « Son » veut dire sonorité, résidu de la mouture des grains et siens, et ces sens sont assez différents. Voit-on que la langue française soit inintelligible pour cela ? Corps, C-O-R, signifie corps de chasse, et corps au pied, ce qui n'est pas la même chose. Assiette se dit d'une vaisselle, de la situation d'une ville, d'une disposition de l'esprit et de l'établissement de l'impôt. Vous y trompez-vous. Cela sert à faire des calembours et à dire qu'une niche est une mauvaise plaisanterie que les maçons font au sein. Mais il n'y a pas grand mal. Il n'en est que cela. L'auteur du rapport de la commission académique triomphe de ce que, si pan, P-A-O-N, s'écrivait pan, P-A-N, il y aurait une confusion entre pan, oiseau, pan, de mur, pan, personnage mythologique, et pan, onomatopée. Mais mon ami, il m'est permis de le traiter familièrement, c'est précisément parce qu'il y a déjà trois pans entre lesquels on ne fait aucune confusion qu'il n'y en aura pas davantage entre quatre pans ayant quatre sens. La raison ne vaudrait que s'il n'y avait qu'un seul pan. Elle ne vaut plus s'il y en a trois. C'est la multiplicité de vos preuves qui établit le néant de vos preuves. Cependant, je reconnais qu'il n'est pas utile d'augmenter le nombre des homophonies, que mieux vaudrait le diminuer, et donc que la raison susdite a de la valeur, et j'en tiendrai compte dans mes conclusions. Deuxièmement, la raison tirée de l'étymologie a bien quelque importance encore. Surtout, elle a été donnée par un membre très considérable de la compagnie d'une manière très ingénieuse et très spécieuse. L'étymologie conservée, cela sert à faciliter l'étude de la langue à tous les étrangers qui savent le latin. Écrivez tant, T-E-N, ou tant, T-A-N, ils ne reconnaîtront pas tempus. Écrivez tant, T-E-M-P-S, ils reconnaîtront tempus tout de suite. Et de reconnaître tempus, cela mettra immédiatement et pour toujours le mot temps dans leur mémoire. De même pour corps, de même pour nuit. Et ce n'était pas si sot de la part de nos pères d'écrire nuit, N-U-I-C-T, etc. Cela est fort juste, mais Sainte-Beuve a répondu d'avance à ses à propos, quoique avec une verdeur dont je n'userai certes pas et que je laisse à son compte. Cette raison qu'il faut garder aux mots tout leur appareil afin de maintenir leur étymologie est parfaitement vaine. Car pour une lettre de plus ou de moins, les ignorants ne sauront pas mieux reconnaître l'origine du mot, et les hommes instruits la reconnaîtront toujours. Évidemment, l'ignorant ne reconnaît rien du tout dans Times. Il l'apprend par cœur et voilà tout. Et les hommes qui savent du latin reconnaissent très bien tempus dans Times, quoiqu'il soit plus éloigné de tempus que notre mot temps. Si l'on s'amusait, on pourrait même dire que, y ayant plus de gens sur la planète qui savent l'anglais qu'il n'y en a qui savent le latin, écrire temps, T-E-M-S, serait une plus grande facilité à ceux qui ont à l'apprendre que d'écrire temps, T-E-M-P-S. Mais ne plaisantons pas et ne perdons ni notre tempus, ni notre temps, ni notre times. Dieu me garde de dire, comme la commission de simplification, le pitoyable argument de l'étymologie. Mais encore je trouve que cet argument est plutôt un argument qu'une raison. Troisièmement, quant à la physionomie des mots, elle m'est absolument indifférente. C'est l'argument à la portée des simples, des très simples, et c'est pour cela qu'il est celui dont les journalistes ont abusé et presque le seul dont ils se soient servis. Ils ont le flair. Il est certain que c'est un jeu d'une extrême facilité et d'un effet sûr que d'écrire la phrase suivante « Je suis homme, H-O-M-E ». Accepter la nouvelle, E accent grave L-E, orthographe, T-O, G-R-A-F-E, avec une satisfaction de C, sans mélange, S-A-N, car je n'ai pas fait ma rhétorique, R-E-T-O, et je ne me connais, C-O-N-A-I-S, pas en style, S-T-I-L, ma femme, F-A-M-E, non plus. Le lecteur s'écrie, tout fier de son savoir, « Oh, l'orthographe de ma cuisinière !» S'il est plus raffiné, il s'écrie « C'est peut-être juste, mais c'est affreux, c'est horrible. Oh, la physionomie des mots, la beauté des mots, car le mot a sa beauté. » Et le tour est joué. Seulement la physionomie des mots a changé 10 fois depuis 300 ans. Et si l'on s'était arrêté à la physionomie des mots, on écrirait encore « colère » CH et « caractère » CH et « chimie » CHY et « advocat » et escole, et abysme, et argile, et bienfaiteur, et détrôné, THRO. La vérité est qu'on s'habitue très vite à la physionomie nouvelle des mots. Qui est-ce qui regrette François? Il n'est écrit français, officiellement du moins, que depuis 70 ans. Qui est-ce qui regrette phtisi, PHTH, et rythme, RHYTH? Ils ne sont écrits plus simplement que depuis 25 ans. Je les ai écrits comme cela pendant toute mon enfance et toute ma jeunesse. Je les regrette peut-être, mais à ce seul point de vue. Le jeu que jouent les journalistes qui se contentent de peu est celui-ci. Rien de ridicule comme un chapeau de 3 ans, n'est-ce pas? Il est donc sûr que le chapeau qu'on portera dans 3 ans serait ridicule s'il surgissait aujourd'hui. Mais dans 3 ans, il sera très bien accepté. Et c'est celui d'aujourd'hui qui, dans 3 ans, sera ridicule. Eh bien, les journalistes mettent aujourd'hui le chapeau qui sera porté dans 3 ans et disent « Sommes-nous grotesques ainsi ?» Ce n'est pas raisonner, c'est faire une parade. Cela ne prouve absolument rien. Tenez, je me rappelle Hermite, H-E-R-M-I-T-E. Il n'avait pas le sens commun, car il indique un esprit rude dans le mot grec. Il n'y a pas le moindre esprit rude dans le mot grec. Mais quand il s'est agi de l'écrire, normalement à la fois et simplement, ermite, il y eut soulèvement. Il y eut des gens pour dire, non sans esprit du reste, je ne me rappelle plus qui, mais mon père me l'a souvent raconté. Oh, la physionomie du mot! On le voit, cet ermite, H, portant devant lui son long bâton et s'appuyant sur lui. Pas mal, seulement, ça n'a pas le sens commun. J'ai 2 idées sur la physionomie des mots. La première, qu'elle m'est indifférente et que c'est la chose du monde au changement de quoi l'on s'habitue le plus vite. La seconde, que le mot, si l'on veut, peut être beau ou laid, mais que le mot laid, le mot affreux, c'est le mot surchargé et hérissé, et que le mot beau, c'est le mot simple, sobre, uni et dépouillé. et qu'il en est de la toilette des mots comme de celle des hommes et des femmes. Ce qui est affreux, c'est rythme, R-H-Y-T-H. Ce qui est beau, c'est beau, B-A-U, comme l'écrivait Voltaire. Il me semble remarquer, puisque maintenant je discute avec les artistes littéraires, que beaucoup d'artistes littéraires sont de mon avis. Non pas tous. Je sais que Renan tenait à la physionomie des mots telle qu'il l'avait considérée en apprenant à lire, que le comte de Lille, quand il s'agissait de retrancher des lettres, était pour qu'on en ajoutât. Mais regardez donc La Fontaine. Voici les quatre premiers vers de « L'élégie aux nymphes » de Vaux, tels qu'ils furent imprimés dans l'édition Princeps. Étant donné la différence extrême qu'il y a entre leur orthographe et l'orthographe ordinaire du temps, il n'y a nul doute pour M. A.F. Didot, et je lui donne raison, que cette orthographe de l'édition Princeps n'ait été celle même de La Fontaine, calquée sur son manuscrit ou imposée à l'imprimeur par lui. Voici donc comme La Fontaine écrivait et voulait ou souhaitait qu'on écrivît. Remplissez, E.S., l'air de cris et vos grottes, un T, profondes. Pleurez, E.S., nymphes de veaux. Faites croître, I, accent circonflexe, T.R.E., vos ondes. Et que l'encueil enflé ravage les trésors, Z, dont les regards, A.R.S., de flore ont embelli ses bords, B.O.R.S. Tout le reste de l'élégie est à l'avenant. Or, ceci est, comparativement à l'orthographe du temps, comparativement du reste à la nôtre même, une orthographe très simplifiée. C'était celle de La Fontaine. Peut-être me dira-t-on que La Fontaine n'était pas un artiste, mais encore. Quant à La Bruyère, il ne semble pas avoir respecté davantage la physionomie des mots. Il n'a pas cru davantage que la beauté des mots fût dans l'entassement des lettres. On le voit. Lui qui soignait de si près ses éditions, hasardait donc proposer, dans sa 8e édition, la dernière de son vivant, les graphies suivantes. Siffler, un F, arranger, un R, flatter, un T, échapper, un P, regretter, un T, chauffer, un F, style, I, péristyle, T-I, deux L-E, hyperbole, H-I, pathétique, T-E, teint, T-I-M, onyx, ix, physionomie, phi, synonyme, nime, prétention, son, maçon, deux son. La tendance est évidente. La Bruyère faisait la guerre à la lettre doublée et raclait l'y. Du reste, il faut bien savoir que la superstition des th et des y était fort loin d'être générale en l'ancien temps. Dans les éditions de Molière, jusqu'en 1739, Psyché et le Misanthrope ont été orthographiés Psyché, PSI, et le Misanthrope, TROPE. Et M. A.F. Didot a connu des vieillards qui, dans leur jeunesse, remontant donc à 1780 environ, avaient vu sur l'affiche de la Comédie-Française le Misanthrope imprimé Misanthrope, TROPE. Non, en vérité, je le demande aux artistes littéraires, aux amants de la physionomie des mots, aux gardiens de la beauté de notre langue, le misanthrope, T-R-O, psyché, P-S-I, est-ce pas affreux? Ne m'en parlez pas. 6. Je suis donc dans la tradition et de l'académie et du public, et pour ainsi parler de la langue française elle-même, en désirant une simplification qui n'est qu'une insurrection contre un coup d'État ridicule commis par quelques pédants. Vers 1540, insurrection dont les premiers promoteurs sont Ronsard et Joachim du Bellay. À qui faites-vous la guerre maintenant? Disait-on à Bismarck après Sedan. À Louis XIV. À qui faites-vous la guerre? Nous demande-t-on. Je réponds à Robert Estienne. Mais d'une part, je reconnais qu'il faut des tempéraments et des transitions, et qu'en pareille matière, qui veut aller à pas de géant se casse le nez. Et d'autre part, je repousse le principe du phonétisme, qui est instrument d'erreur ou voie ouverte à des incertitudes indéfinies et à des difficultés inextricables. Et enfin, je ne m'embarrasse d'aucun de ces principes généraux et impérieux qui sont si gênants quand on en arrive à l'application. Je me dis simplement, il faut simplifier, c'est-à-dire rendre plus facile l'étude de la langue aux enfants et aux étrangers. Quelles sont les plus grosses difficultés? Ce sont celles qui nous sont indiquées. Par les incertitudes des enfants, déjà assez avancés dans l'étude de la langue, devant un mot, par nos propres hésitations, à nous, gens habitués à écrire, devant un mot souvent très usité. Enfin, par l'effort même de la langue, tendant à se débarrasser de certaines gênes, et portant toujours son effort, depuis 3 siècles et demi, du même côté et dans le même sens. Ses plus grosses difficultés sont au nombre de 2. Les mots tirés du grec et les lettres doublées. Cela me suffit et c'est un assez gros morceau. Les mots tirés du grec et les doubles lettres, c'est ce qui embarrasse le plus les enfants. C'est ce qui nous embarrasse nous-mêmes et nous fait ouvrir notre dictionnaire. C'est contre quoi la langue a regimbé constamment depuis Ronsard. Cela me suffit et c'est un assez gros morceau pour le moment et le reste n'est presque vétille. Je propose donc la francisation de tous les mots grecs et la suppression de toutes les lettres doubles, sauf les quelques cas où il me serait démontré qu'une suppression de lettres doubles crée une véritable et dangereuse confusion entre 2 mots, ce qui me sera démontré bien rarement, sauf aussi, bien entendu, le cas où les 2 lettres n'ont pas le même son. Et il est clair que je ne propose pas d'écrire « accident »,« accident ». Je ne suis pas ici pour les demi-mesures. Pour ce qui est de la francisation des mots grecs, quelques-uns disent on pourrait franciser les mots usuels et conserver grécoïdes et les mots savants. Où commence le mot savant et où commence le mot usuel? Théologie, mot savant, athée, mot usuel. Et donc on écrira théologie, théé, et athée, THE. Ce qui n'a pas le sens commun, et ce qui serait pour les enfants une complication et une difficulté. D'autre part, l'effet d'étonnement sera bien plus grand à franciser les mots usuels qu'à franciser les mots savants. Archéologie, QUE, n'étonnerait personne. Athée, ATEE, étonnera, je le reconnais. Il serait donc plus à propos de franciser les mots savants et de conserver grécoïdes les mots usuels. Mais nous revenons. Où commence le mot usuel? Prenons un parti. Francisons tous les mots grecs, comme le voulait Ronsard, sans distinction. Plus de TH, de PH, de CH, dur, de RH. Au lieu de TH, T. Au lieu de PH, F. Les Italiens font ainsi depuis 1 siècle. Sont-ils en décadence? Plus de RH, tout simplement R. On écrit déjà rythme. Pourquoi n'écrirait-on pas rhétorique? C'est plus près du mot grec et cela n'a pas figure barbare. Et cela serait commode pour les enfants qui ne savent jamais si H est après le T ou après le R. Et le CH dur, par quoi le remplacer? Ici, je me sépare de Ronsard, qui voulait qu'on le remplaçât par K. Non, le K n'est pas une lettre française, c'est une lettre à R barbare. Cela doit venir du Kamchatka. Le CH dur, c'est notre Q, QU. Le Q et graphie éminemment française. Cela est si vrai que le CH et le Q, c'est la même lettre, selon qu'elle se prononce dure ou douce. À 2 lieues de distance en France, on dit un chien ou un chien, une vache ou une vaque. Donc, CH dur remplacé par Q, archevêque et archiépiscopal. Voilà la vérité. Quant à l'Y, je le raclerai totalement. Je le supprimerai de l'alphabet. C'est un intrus. I partout. Mais l'adverbe, Y, par crainte d'ébouriffé, je le respecterai peut-être. Et encore. Il devrait si bien s'écrire I que précisément il vient de Ibi, ce qui, que je sache, n'a jamais été un mot grec. Francisation de tous les mots grecs, suppression de l'Y. Depuis 1859, nos frères latins, les Espagnols, ont supprimé tous les Y. Deuxième et dernière partie de ma réforme. Suppression de toutes les lettres doubles, sauf les cas où il me serait démontré que la suppression d'une lettre double créerait une confusion véritablement dangereuse. Ville, V-I-L-E, ville, 2-L-E. Ces cas sont très rares et les plus dangereux ne le seraient guère. Enfin, en principe, suppression de toutes les lettres doubles. Ici, le phonétisme se dresse. Il faut les supprimer là où elles ne se prononcent pas et les maintenir là où elles se prononcent. Oui, nous entrons dans les discussions sans fin sur ce qui se prononce et ce qui ne se prononce pas. Prononcez-vous allaiter ou allaiter, allécher ou allécher, amollir ou amollir, tot capita tot sensus. J'ai entendu un lettré m'assurer qu'il prononçait bourreau par deux R et qu'il prononçait chasse à cour en faisant sonner la double lettre. En vérité, je ne sais pas comment il s'y prenait. Vous pouvez faire de cela un jeu de société qui durera des mois. La vérité, c'est que si un grand nombre de lettres doubles se prononcent aujourd'hui, c'est à cause de l'influence de l'orthographe sur la prononciation. Nos pères ne prononçaient très probablement aucune lettre double. C'est qu'ils ne se souciaient pas de l'orthographe. Ils disaient « littéraire », ils disaient « collection », ils disaient « allégresse ». Mais l'influence de l'imprimé s'est peu à peu fait sentir. C'est cette influence qui a dénaturé le plus la prononciation au cours du XIXe siècle. C'est cette influence qui a fait que maintenant on dit « fils » au lieu de « fille », « avec » au lieu de « ave », « lorsque » abominable au lieu de « lorque », « rédempteur » au lieu de « rédenteur ». C'est cette influence qui fait que l'on commence à dire « dompteur » et « dompté » au lieu de « dompteur » et « dompté » et qui fera que dans 10 ans, on dira « sculpteur » au lieu de « sculpteur ». N'en doutez pas. Donc, à supprimer les lettres doubles, on supprime la plus terrible difficulté de l'orthographe française et l'on ne fait que revenir à figurer la prononciation de l'ancien temps. Oui, mais comment prononcera-t-on, non pas dans l'ancien temps, mais demain et après-demain? On prononcera comme on voudra. Ceux qui aiment la prononciation dure mettront la double lettre, comme les méridionaux, qui non seulement prononcent toutes les lettres, mais en ajoutent. Ceux qui aiment la prononciation douce ne mettront qu'une lettre. Je ne plaisante point. Ne voyez-vous pas que là même où le dictionnaire ne met qu'une lettre, il y a des cas où beaucoup de gens en mettent deux. J'entends à chaque instant prononcer « académie », très nettement. La moitié des Français prononcent « mairie » ou « mairerie » pour « mairie », sans savoir pourquoi. Il n'est bon parisien de Paris qui ne dise « je l'ai vu » pour « je l'ai vu ». Où a-t-il pris cette double ou cette triple lettre? Il l'a prise sous son bonnet. On écrira « littéraire » et ceux qui voudront prononcer « littéraire » il leur sera tout loisible. Mais encore, cette même influence de l'orthographe ou de l'imprimé sur la prononciation fera qu'on viendra vite à ne plus guère doubler la lettre. Eh bien, tant mieux, on en reviendra à la prononciation du XVIIIe siècle. Je n'y vois que du bien. Non pas tant mieux, c'est trop doux, c'est mou. Nous sommes au point où l'on ne discute plus, étant arrivés à la question de sensations personnelles et de goûts personnels. Je trouve, moi, que le français est une langue douce, que tous les étrangers d'autrefois en ont vanté la suavité, qu'il se durcit et se hérisse et se fait raboteux de jour en jour, et que tout ce qui pourra l'enrayer sur cette pente sera excellent. 7. Donc ma réforme, c'est francisation de tous les mots grecs, suppression de toutes les lettres doublées. Comment amener cette réforme ? En l'imposant, répondent les universitaires réformistes, la plupart sont réformistes. Nous formulons notre réforme avec précision, nous faisons un lexique conforme, nous commandons aux instituteurs d'enseigner cette orthographe-là, les enfants l'apprennent, en 15 ans au plus, la réforme est faite. Je réponds, jamais, ah pour Dieu, au moins en matière de langue, qu'il y ait un peu de liberté. Laissons l'usage faire au moins sa langue. L'Académie enregistre l'usage, en le contrôlant et le guidant discrètement, et les modifications se faire ainsi d'elles-mêmes, peu à peu. Une orthographe par oukase, jamais de la vie. Alors, c'est bien simple. Faisons simplement dire aux instituteurs et inspecteurs primaires que pour les mots tirés du grec et les mots à double lettre, il y a liberté ou tolérance, et qu'il ne faut jamais marquer de faute pour un mot grec écrit à la française ou pour une double lettre omise. Qu'arrivera-t-il? Je n'en sais rien. Mais il arrivera quelque chose petit à petit, et ce quelque chose sera l'usage, et l'Académie l'enregistrera, et voilà tout. Et maintenant, comme on a toujours sa pensée de derrière la tête, j'incline à croire que les deux tendances principales de la langue française, depuis 325 ans et quelques mois, ayant été à franciser les mots grecs et à se débarrasser des lettres parasites, par le seul fait de la liberté accordée sur ces points, cette réforme s'accomplira d'elle-même en très peu de temps. Et maintenant, je vais m'occuper de choses un peu plus sérieuses, et je serai lu beaucoup moins qu'aujourd'hui. Les Français sont ainsi faits.